mes premiers souvenirs portent l'empreinte des poignards, puisque j'ai dû apprendre à vivre avec du sang dans la mémoire. J'aimerais à mon tour voir souffrir l'homme avide de pouvoir qui m'a laissée orpheline sans même s'émouvoir. Fadjet. Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. À table, il est 19h. Les pastilles poétiques sur Fadjet avec Lucas. Et bonjour et bienvenue chers auditeurs de Radio Fadjet. J'espère que vous allez bien et que ma foi vous vous tenez prêts pour une toute nouvelle aventure. Et lorsque je parle d'aventure, je pèse bien mes mots. Et oui, aujourd'hui je vous embarque avec moi dans une nouvelle pastille poétique vers d'autres horizons. Aujourd'hui je vous donne un avant-goût de voyage. Chronologique déjà et géographique dans cette dernière pastille de la saison 24-25. N'ayez crainte, mes chers auditeurs, vous devriez normalement retrouver vos pastilles poétiques préférées dès le mois de septembre. L'été sera l'occasion de retrouver quelques-uns des morceaux poétiques que je vous avais comptés. Toujours est-il que je ne pouvais pas clôturer la saison sans avoir l'audace de vous kidnapper, vous et votre attention, où que vous soyez, pour vous offrir de plus exotiques horizons. Dans votre voiture, à klaxonner dans ce qui reste de bouchon, dans l'agglo nancéenne, spécialiste en la matière, ou confortablement installé, en train de siroter je ne sais quelle préparation qui vous fait du bien à l'âme avec cette chaleur. Aujourd'hui, entendez-moi bien, mes chers amis, je vous embarque avec moi vers l'univers riche et intense de la piraterie. When going the road, the sweet a thigh, haroo, haroo. When going the road, the sweet a thigh, haroo, haroo. When going the road, the sweet a thigh, a stick in my hand and a drop in me eye, a doleful damsel I heard cry, Johnny, I hardly knew ya. We hear drums and guns and guns and drums, haroo, haroo. We hear drums and guns and guns and drums, haroo, haroo. For your drums and guns and guns and drums, the enemy nearly slew ya. Oh, darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Where are the eyes that look so mild, haroo, haroo? Where are the eyes that look so mild, haroo, haroo? Where are the eyes that look so mild when my poor heart you first beguiled? Why did you run from me and the child, Johnny, I hardly knew. Where your drums and guns and drums, haroo, haroo. Where your drums and guns and drums, haroo, haroo. Where your drums and guns and drums, the enemy nearly slew ya. Oh, darling dear, ya look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Where are the legs with which you run, haroo, haroo. Where are the legs with which you run, haroo, haroo. Where are the legs with which you run when first you went to carry a gun? Indeed, your dancing days are done, Johnny, I hardly knew ya. Where your drums and guns and drums, haroo, haroo. Where your drums and guns and drums, haroo, haroo. Where your drums and guns and drums, the enemy nearly slew ya. Oh, darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. You haven't an arm, you haven't a leg, haroo. You haven't an arm, you haven't a leg, haroo, haroo. You haven't an arm, you haven't a leg, you're an eyeless, boneless, chickenless egg. You'll have to be left with a bowl to beg, Johnny, I hardly knew you. Where your drums and guns and drums, haroo, haroo. Where your drums and guns and drums, haroo, haroo. Where your drums and guns and drums, the enemy nearly slew ya. Oh, darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew. But I'm happy for to see you home, haroo, haroo. Yes, I'm happy for to see you home, haroo, haroo. Oh, I'm happy for to see you home, all from the island of Ceylon. So low in flesh, so high in bone, Johnny, I hardly knew. Where your drums and guns and guns and drums are roo, ha roo. Where your drums and guns and guns and drums are roo, ha roo. Where your drums and guns and guns and drums, the enemy never slew ya. Oh, darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew ya. Les pastilles poétiques sur Fadjet. Et c'était Johnny I Hardly Knew You des Irish Rovers, mes chers auditeurs. Il est grand temps d'introduire notre sujet. Mais pourquoi, oui, pourquoi et surtout comment pouvoir évoquer la piraterie dans un contexte poétique ? Eh bien, parce que au-delà des grands romans d'aventure que nous connaissons tous, en passant par L'île au trésor jusqu'à L'étoile matutine, d'Edgar Poe à Stevenson, en passant par Pierre McCorlan, la piraterie est un sujet qui a pu aussi inspirer nos amis les poètes. C'est donc bien par le prisme poétique que nous allons aborder, j'ose bien dire, les forbans, et par quoi commencer ? Eh bien, on va tordre quelque peu notre frise chronologique, la même qu'on coloriait dans nos primes années à l'école, pour directement aborder la piraterie par le prisme du romantisme. Bon, vous savez que je ne suis pas impartial quand je dis cela, puisque je suis un inconditionnel, mais la figure du pirate est passée par l'étamine du romantisme et a même pris de l'ampleur considérablement. Passons d'abord par le prisme plutôt connu du poème « Le corsaire » de Lord Byron, publié en 1814. Byron nous présente Conrad, un corsaire solitaire et, il faut le dire, plutôt mystérieux. Byron commence son poème ainsi. « Sur la mer azurée, aux reflets radieux, nos pensées sans limite et nos cœurs sans entrave, aussi loin que la brise et le flot écumeux, parcourent cet espace où nul n'habite esclave. » Contempler notre empire, un domaine infini où tous, rois et sujets, concourent tributaires. Notre bannière, un sceptre en tout lieu, obéi par des confédérés, légions volontaires. Nous sommes clairement dans le thème romantique par excellence et la présentation de Conrad va étoffer le tout. Cet homme solitaire, être mystérieux qui ne sourit qu'à peine et rarement soupire, dont le nom fait pâlir les plus audacieux, tous ses fronts basanés, et d'un terrible empire subjugue aussi les cœurs par l'art de commander, qui fascine, dirige et glace un cœur vulgaire. On est face à la solitude d'un homme d'honneur, mes chers amis, qui inspire les romantiques et surtout, et avant tout, face à un homme de passion. C'est la passion qui agite Conrad et pour détailler cela, j'ai besoin évidemment de vous détailler l'intrigue du corsaire de Byron. Conrad vit reclus dans son île avec sa bien-aimée Medora. Bien qu'elle redoute son départ, il décide de mener une attaque contre le pacha Seyd, un gouverneur ottoman cruel. Conrad part déguisé à la cour de Seyd pour le piéger. Mais l'attaque échoue et ce dernier est capturé. En prison, il rencontre Gulnare, l'esclave favorite du pacha, qui tombe amoureuse de lui et va l'aider à s'évader. Pour cela, elle tue Seyd dans son sommeil, un acte que Conrad refuse d'accomplir car il a un code d'honneur, ce fameux code d'honneur qui le retient. Conrad retournera finalement chez lui, mais trouvera Medora morte de chagrin, croyant qu'il ne reviendrait jamais. Et le poème se clôt sur ces vers. Ni trace, ni signal n'a marqué son séjour, et sa troupe a pleuré ce chef que nul ne pleure. Nulle nouvelle ou bruit n'ont éclairci son sort, si son malheur survit, s'il finit par la mort. On donne à son amante une riche demeure, une dernière, hélas, pour lui, nul monument, nulle pierre ne dit où gît le triste amant. Si douteuse est sa fin, certaine est son histoire. Il laissa dans ses lieux une vaste mémoire. Le corsaire a légué son nom à d'autres temps, et pour une vertu. Sans crimes éclatants. Conrad est un être de passion, nous l'avions dit, par ses amours, sa morale, son orgueil, et aussi, il faut le dire aussi, sa quête de liberté. C'est un héros romantique par excellence, déchiré, solitaire, intensément vivant, mais condamné à la souffrance et à la perte. Le corsaire de Byron est avant tout le récit d'une liberté qui a un prix, la liberté que l'on quête, nous, humains enchaînés, qui ne s'offre jamais son sacrifice. Et puisque nous parlons liberté, il est grand temps de poursuivre avec une nouvelle pause musicale. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago

balancés dans le pré, trois des nôtres dans l'herbe, à bord d'un gros panier. Souffle dans le printemps les vents qui sont dans l'air, les vagues dans le pré sont vagues de la mer. Et en étant embarqué ou tenté la conquête, guidé par une étoile et bravant la tempête, en route pour l'Afrique, installé à la barre, pour Babylone ou Rhode Island ou Malabar, voici une armada qui nage dans la mer bétail, sur la prairie tout à fait enragée, qui charge en mugissant. Vite, il nous faut sauver le perron et le porc, le potager, la terre. Ce poème n'est pas seulement une inspiration flibustière, c'est un rêve, celui d'un enfant. Histoire de pirate est un poème narratif qui raconte l'histoire d'un enfant qui rêve d'être un pirate. Le poème capture l'esprit d'aventure et de liberté associé à la piraterie, tout en étant ancré dans le monde de l'enfance. Car c'est bien, et je l'ai déjà écrit dans mes poèmes, mes amis, l'enfance qui cercle le rêve et lui permet de lui donner du corps dans nos vies d'adultes qui tentent, chaque jour durant, de nous faire croire que c'est la tristesse et la mort seulement qui nous attend. Déjouez donc un peu cette idée reçue et souriez en vous rappelant que le trésor de la vie d'adulte, c'est se souvenir qu'on a été un enfant. L'idée chez Stevenson est de partir de références simples dans lesquelles tout le monde peut se permettre de s'identifier. Et c'est par ce processus d'identification que le voyage s'exécute, alors que nous sommes finalement juste assis sur une chaise ou bien couchés sur un lit. Mais j'ose presque vous faire un souvenir de la chronique dernière quand il s'agissait de présenter Edmond Rostand, qui lui rêvait sur le divan bas et ne savait pas où il pouvait bien être, alors que le brave jeune poète était couché dans son canapé, à poétiser. Il est véridique que le monde de la piraterie inspire les enfants comme il m'a inspiré quand j'étais tout gamin. Il me tarde un jour de pouvoir faire publier une série de biographies de pirates écrites à la manière de Defoe sur son histoire générale des plus fameux pirates. Vous partagez un peu de ma passion pour ces êtres de liberté et d'indépendance à tout prix, deux valeurs que vous savez, mes chers amis, que j'admire au plus haut point. Dans l'introduction de ce petit texte que j'ai écrit, cet ensemble de biographies, je disais: du plus loin qu'ils m'en souviennent, j'ai toujours été un admirable partisan de l'esprit pirate. Plus jeune, c'est moi qui sortais paré des plus artificieux costumes, imitant les racams et autres barbes noires qui vécurent jadis. Je combattais à l'épée. J'ai grandi avec les sorties au cinéma de la grande saga Pirates des Caraïbes, où Norrington s'attendait, voyant Jack Sparrow, à une épée en bois. Enfant, la mienne était en plastique. D'ailleurs, elle avait perdu depuis longtemps le bruit cocasse qui me faisait croire à un véritable duel. Mais cela restera à jamais ma Madeleine de Proust. Je me souviens encore, chers auditeurs, défiler dans la rue où j'habitais, toujours en pirate, à galvaniser mes rêves et les foules. Quel beau trésor que l'enfance m'a offert, et dire qu'aujourd'hui, mon activité de cosplay que je réalise en parallèle des chroniques que je vous offre font une haie d'honneur à l'esprit pirate. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années. Et toujours en été, plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse, y a plein de chiens, y a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie surprend, plus d'un million d'années. faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Les pastilles poétiques sur Fadjet. Et je vous ai offert le Sud de Nino Ferrer qui est venu nous offrir une leçon. Puisqu'on parlait du thème de l'enfance, eh bien on va y rester. Et il s'agit inlassablement de le conjuguer à cet univers prometteur qu'est la piraterie, évidemment. Et j'ai bien envie de vous parler d'une poétesse américaine, et qui dit parler d'une poétesse américaine, qui dit bien sûr accent anglais, qui sent bon la Mirabelle, et le pâté lorrain, évidemment. Mildred Plou Meigs, née en 1892 et hélas décédée en 1944. Poétesse américaine principalement connue pour ses poèmes destinés aux enfants. Elle a publié de nombreux textes dans des magazines tels que Child Life Magazine, The Pirate Don Dirk of Doody a été publié pour la première fois dans Child en 1923. Elle a également écrit plusieurs livres dont The Road to Raffy Diddle en 1913 et Bonbon and Bonbonnette en 1924. Et penchons-nous, si vous le voulez bien, sur ce poème qu'est The Pirate Don Dirk of Doody. Avec le corsaire de Byron, on a failli pleurer. Maintenant, on va tenter de rire. The Pirate Dunderk of Doody raconte l'histoire d'un pirate fictif, Dunderk, qui incarne tous les clichés du pirate redouté. Il est décrit comme étant, et là je cite l'autrice, aussi méchant que possible, mais il est aussi parfaitement magnifique à voir. Pourquoi ? Parce que son apparence est flamboyante. Un chapeau avec une plume qui bouge lorsqu'il marche, un manteau rouge coupé avec une fente, une moustache qu'il tourne fréquemment, un tatouage violet, une ceinture ornée d'un poignard, d'un couteau et d'autres colifichets qui saillent bien stéréotypiquement avec l'image que l'on se fait du pirate. Il est si effrayant qu'il tirerait sur une brise, boit dans une bouteille et écrit sur son poignet lorsqu'il est en mer. Comme effet, il possède une épée qui pend à sa cuisse, un perroquet nommé Pumpkin Pie, une cicatrice en zigzag près de son œil et garde un coffre mystérieux couvert de moisissures et rempli d'or. Laissez-moi vous lire une strophe en anglais et tâchez, mes chers amis, de vous souvenir lors de la lecture, encore une fois que c'est bel et bien un lorrain qui vous lit de l'anglais. Oh, for the pirate Dunderk of Doody, he was as wicked could be, but oh, he was perfectly gorgeous to see. Et oui, la formulation prête à l'enfance et le ton est jovial et humoristique. On ne cesse de les faire rêver plus que de raison, ces bambins intrigués. Et tant mieux d'un sens, car je le redis, il faut toujours se souvenir de l'enfant qui se cache au fond de nos plus adultes intrigues. Comment il se meut, comment il parle à travers nous sans même que l'on s'en rende compte. Et la plus pure vérité que ma courte expérience m'ait transmise, c'est bel et bien de ne jamais l'ignorer. Car c'est là que les rides transpercent la peau pour aller se ficher au creux de l'innocence et la faire périmer. Juste là où doucement se défont les plus pures expressions d'enfance. Et là, on commence à grogner, à doucement se plaindre et à pester en regardant son voisin comme l'ennemi qu'il n'est pas forcément. Alors, gardez votre enfant et surtout, surtout, prenez-en soin, mes chers amis. Voici que se clôt ce voyage poétique et piratesque. Voici que se conclut votre pastille poétique. Gardez la pêche, mes chers auditeurs, et sachez sourire à la vie. Je vous embrasse bien fort, et à très bientôt.